Dis-moi mon frère, est-ce que tu penses qu'on va se comprendre un jour? Tu nous parles du RMI alors qu'on rêve du FMI. Tu nous parles de caviar alors qu'on te parle de famine. On crève au HLM avec nos couleurs café crème. Parle pas d'intégration, tu vas te faire casser le zen. On comprend pas quand les ministres y déblatèrent. On comprend pas ce que veut vraiment dire Karcher. L'alcool et la résine nous troublent la rétine. La défaite on comprend pas, poto trouve une raison de vivre. Si tu nous parles d'un bon billet, on peut se comprendre quand il s'agit de bénéfices, méga sociaux se concentrent. Pédophilie, on comprend pas, misère sociale, on comprend pas. Malgré tous nos efforts, Front National, on comprend pas. On a grandi en marge de la société, nous on comprend les embrouilles, les galères, les grossièretés. Tu nous parles de Emmaüs alors qu'on te parle de fierté. Tu nous dis manutention alors qu'on rêve de percer. Familles nombreuses y comprennent pas, misère y comprennent pas. Le bruit et l'odeur ça y n'aime pas. Tu nous parles de 3 étoiles alors qu'on parle de Lidl. Si Dieu veut, un jour je prendrai mon envol royal. Certains vivent pour posséder, d'autres se battent pour manger. On prie souvent le ciel parce qu'on n'a pas de plan B. On crève en HLM avec nos couleurs café crème. Comment se faire comprendre quand les problèmes sont pas les mêmes? Certains vivent pour posséder, d'autres se battent pour manger. On prie souvent le ciel parce qu'on n'a pas de plan B. On crève en HLM avec nos couleurs café crème. Comment se faire comprendre quand les problèmes sont pas les mêmes? Tu nous dis Champs-Élysées, on te dit cage d'escalier. Tu nous parles de cocaïne et de la guerre des caïds. Tu nous parles d'ISF alors qu'on te parle d'APL. Tu nous dis Ibiza, nous on te dit Paris plage. On comprend pas ce que veut dire intégration. Je chante la banlieue, je chante le choc des générations. Bavure, on comprend pas, pouvoir d'achat, on comprend ça. C'est vrai que nos petits frères emmerdent tout le monde sauf les remparts. Et on grandit comme des marginaux, loin des grands palaces, loin de la fortune de Pinot. Tu nous parles de consommer alors qu'on parle de chômage. On te parle de génocide, tu nous parles de clonage. On comprend pas ce que veut dire immigration. Retour, case départ, entravé dans un avion. L'échec et la paresse souvent facilitent la hesse. Les gens nous comprennent pas, on vit en apartheid. Certains vivent pour posséder, d'autres se battent pour manger. On prie souvent le ciel parce qu'on n'a pas de plan B. On crève en HLM avec nos couleurs café crème. Comment se faire comprendre quand les problèmes sont pas les mêmes? Certains vivent pour posséder, d'autres se battent pour manger. On prie souvent le ciel parce qu'on n'a pas de plan B. On crève en HLM avec nos couleurs café crème. Comment se faire comprendre quand les problèmes sont pas les mêmes? Nos peines et nos tristesses, ils ne peuvent pas comprendre. Familles plus que nombreuses, ils ne peuvent pas comprendre. Le bruit et l'odeur, ça, ils ne peuvent pas comprendre. Parce qu'on vit au jour le jour, ils ne peuvent pas comprendre. Le taux de délinquance, ils ne peuvent pas comprendre. Nos parcours chaotiques, ils ne peuvent pas comprendre. Tous les échecs scolaires, ils ne peuvent pas comprendre. Nos vies de débrouillard, ils ne peuvent pas comprendre. Tu sais mon frère, j'espère vraiment qu'on se comprendra. Un jour, un jour. Apôtre H.